sur un texte d'Arnold Cunningham et une musique de Quartier Saint-Michel. Il régnait dans les cuisines une chaleur épouvantable. Tous les feux de son établissement étaient mobilisés. Pièce et Québec préparaient une nouvelle tournée de pâtes en soie à grosses gouttes, bafouant allègrement les règles élémentaires d'hygiène. Placide surveillait la cuisson de plusieurs crêpes en même temps. Il n'avait pu s'empêcher de faire venir un huissier du livre des records, sentant qu'il allait faire exploser la performance d'un célèbre renard guerzécois, qui, il y a quelques années, s'était trompé lors d'une commande de crêpes pour un festos, et en avait confectionné un nombre record. Bias et Cabec remuaient la pâte dans une immense auge que Brézou avait mis à leur disposition. Ils avaient pu faire leur propre préparation. Ils arrosaient le tout des gouttes d'alcool qui survivaient dans les bouteilles qu'ils avaient sifflées. Alors que Bias était occupé à touiller la mixture avec une immense spatule, il se remémore intérieurement les épisodes de Batman. Merde, on s'est fait avoir. Batman ne prépare pas ses repas. Il a un lapin qui s'occupe de tout. La révolte monte en lui. Et puis merde, lâcha-t-il en même temps que sa spatule. C'est pas mon boulot de faire la pâte à crêpes. Je sais que c'est difficile, petit. Mais il faut s'accrocher, Brézou. Faites une pause si vous voulez. De toute façon, on commence à manquer de trébec. Ce n'était pas le genre de phrase qu'il fallait leur répéter deux fois. Les deux amis firent le plein de carburant et un peu éméchés se dirigèrent vers leurs chambres respectives. Brézou était un meneur d'hommes. Il parvenait à obtenir des gens le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit la pizzeria en période de crise ou tout simplement au sein de son équipe de football. Respecté de tous, il semblait que la diplomatie était chez lui tout à fait naturelle. Et voilà la dernière, il n'y a plus de pâtes. T'inquiète pas, petit Brézou est parti chercher de la très belle. Et tel que je le connais, on va avoir la d'autres. Tu devrais aller te reposer un peu, tu l'as bien mérité. T'as raison, Brézou. L'ours monta dans sa chambre, non sans s'être roulé un petit somnifère. Brézou resta seul dans la salle du restaurant, contempla la mer par la baie vitrée. Le soleil va bientôt se lever, se dit-il, c'est le bon moment. Il sortit du restaurant et s'installa sur son rocher falot. Le bruit des vagues l'apaisait. Il se roula un pétard d'une taille raisonnable. Il attendit le premier rayon pour la nuit. Les volutes de fumée épousaient la couleur rougeâtre du disque solaire. Il écrasa le mégot au moment même de la renaissance matinale de l'astre. Il resta dans cette quiétude contemplative quelques 10 minutes, jusqu'à ce qu'une voix criarde le ramène à l'arrière. Brézou ! Je te cherchais partout. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Viens m'aider à décharger la camionnette. J'arrive tout de suite, Brézou. Le van était plein à craquer. Personne ne savait comment Brézou se débrouillait, mais il était toujours trop efficace. Il y avait dans le fourgon des centaines de boîtes d'œufs, de litres de lait, de paquets de farine tréblec, des poules pondeuses et de quoi nourrir tous les chats de la ville en bout de port. L'homme et l'animal eurent une bonne heure à décharger le plus gros. Au moment où ils allaient s'emparer de la dernière poule, celle-ci prit la clé des champs pour le plus grand plaisir de Brézou, qui se mit à la traquer avec succès. Il avait gardé de son enfance et de son éducation des réflexes, des comportements qui aujourd'hui encore portaient l'enfant. Bon, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, je vais faire la pâte. Toi, petit, va t'occuper de la douce moto. Quand elle sera prête, tu pourras t'accorder un petit sabot. Je vais en faire un véritable Mirage 2000, ça va chier, dit Brézou fièrement en se dirigeant vers le garage. Allez, bon boulot, petit. Merde, la chatine !